Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 7 courant en question du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée concernant l'attitude négative du Conseil de sécurité de l'ONU à propos des exercices réguliers de lancement des fusées balistiques du côté coréen. En voici le résumé. Le 6 septembre, les États-Unis et leurs suivistes ont publié de nouveau un communiqué mettant en cause nos mesures de renforcement de la dissuasion nucléaire autodéfensive. Nous le rejetons intégralement car c'est une violation intolérable de la dignité, du droit à l'existence, de la souveraineté et des droits de légitime défense de notre République. Comme d'habitude, ces derniers exercices de lancement des fusées balistiques de notre armée se sont déroulés avec succès sans aucune influence négative à la sécurité des pays voisins et des eaux internationales. C'est vraiment absurde que le Conseil de sécurité des Nations Unies mette en cause une mesure d'autodéfense juste sans pouvoir prononcer aucun mot contre les États-Unis qui s'attachent aux hostilités, comme les exercices de guerre nucléaire de nature agressive en introduisant dans la péninsule coréenne leurs moyens de guerre nucléaire, y compris leurs armements stratégiques. Plus le Conseil de sécurité de l'ONU insulte nos mesures de légitime défense, de pair avec les États-Unis, auteurs de destruction de la paix et de la sécurité de la péninsule coréenne, plus il prouvera devant la communauté internationale son existence inutile de formation inéquitable. Nous élargirons toujours les succès prodigieux successifs de renforcement de nos armements nucléaires cette année, commencé par la réussite à l'essai de la première bombe à hydrogène de la Corée du Sud.